Pas d'erreur, capitaine. Nous voilà bel et bien prisonniers. Et que la cage soit dorée ne change rien à l'affaire, sa perlipopette. Mais, mon jeune ami, ce ne sont pas des cléoptères, ça. Ce sont des lépidoptères. Galopin. Bigre.